tira droit dans le mur, sous travers notre futur. Un monde presque à l'agonie, tu verras, c'est certain, ça sent déjà la fin. Si on s'arrêtait un peu, si on arrêtait de mettre le feu, on aurait moins de fumée dans les yeux. Un jour, toi et moi on verra bien que c'était joué d'avance et qu'il n'y a pas de malchance. Une terre, peut-être la seule dans l'univers, la seule qui veut nous porter, mais pourra-t-on y rester? Si on s'arrêtait un peu, si on arrêtait de mettre le feu, on aurait moins de fumée dans les yeux. Dans les yeux. Droit vers notre futur.